Alors, nous allons d'ailleurs parler des couleurs de l'automne. Alors, nous savons que l'automne est arrivé, hein? On voit que les arbres feuillus se parent de très belles couleurs flamboyantes. Les promeneurs s'émerveillent devant les splendeurs de la forêt québécoise. Et plusieurs d'entre eux, moi-même y compris, se demandent alors pourquoi les feuilles changent de couleur. Quel changement s'opère chez les végétaux qui savent en quelque sorte qu'il est maintenant temps de dormir? Alors, notre chroniqueuse Geneviève Guy est ici pour nous renseigner sur ce phénomène. Alors, bonjour Geneviève. Bonjour Christiane. Ben, c'est en fait une succession d'événements qui provoquent le changement de la couleur des feuilles à l'automne, puis leur chute éventuelle. Donc, dès la fin juin, les jours raccourcissent. C'est triste, hein? Ouais. On pense à ça. On pense. Ah, oui. Et ce raccourcissement des journées est l'élément déclencheur du changement des couleurs. Donc, car les feuilles, bon, sont influencées par la lumière. En fait, elles ont besoin de la lumière. Elles en ont besoin pour produire de la chlorophylle. C'est ce qui donne la couleur verte, hein? C'est ce qui fait que quand on regarde un arbre, les feuilles sont vertes. Exactement. Donc, la chlorophylle est le principal pigment de la feuille. C'est pourquoi les feuilles vertes sont vertes, comme tu disais. La feuille en produit de façon constante durant toute la saison de croissance, là, qui s'étend du printemps à la fin de l'été. Elle en produit tellement que le pigment vert masque les autres pigments dans la plupart des feuilles. Il y a des exceptions, mais bon, ce pigment-là va masquer tous les autres pigments qui sont quand même présents, mais en quantité moindre. Donc, la chlorophylle va absorber la lumière rouge et bleue du soleil, car on sait que la lumière se compose de plusieurs spectres visibles par l'humain. Oui, donc nous, visibles par l'humain, on voit les couleurs de l'arc-en-ciel? C'est ça, en plein ça. En fait, c'est on dit les couleurs de l'arc-en-ciel, ouais, c'est sept couleurs. Bon, ouais, mais il y a sept couleurs, je sais plus lesquelles. C'est ça, mais c'est Isaac Newton, en fait, qui a décidé qu'il y avait sept couleurs. Il les a choisies, là, à cause d'une croyance qui venait des anciens philosophes grecs. Wow. Ils croyaient qu'un lien existait entre les couleurs, les notes de musique, les objets qui étaient alors connus dans le système solaire, puis les jours de la semaine. Wow, il y a une petite superstition derrière ça. Ce lien-là, c'était le chiffre 7. Donc, lui, il a décidé d'établir des limites pour sept couleurs. Bon, mais dans les faits, il n'y a pas vraiment de limite entre les couleurs, sauf que... On peut quand même affirmer que chaque couleur correspond plus ou moins à des limites de longueur d'onde. Okay. Plus on se rapproche du rouge, plus les ondes sont longues. Plus on se rapproche du violet, plus elles sont courtes. L'œil humain est capable de détecter des ondes lumineuses qui se situent grosso modo entre bon des chiffres, 380 nanomètres pour le violet, puis 800 nanomètres pour le rouge. Donc, le plus court, 380, c'est vraiment là, c'est des plus petites ondes. C'est ça, c'est ce qu'on est capable, ce que l'œil humain est capable de percevoir. Il y a d'autres ondes lumineuses, comme les ultraviolets, les infrarouges, mais on les détecte pas. On croit que certains animaux auraient une vision différente de la nôtre, puis qu'eux, ils seraient capables de voir des couleurs que nous, on détecte pas. Bon, c'est vrai. En fait, j'avais déjà lu aussi, les insectes, souvent, ont la capacité de voir les rayons UV. Comme ça, ils voient les pétales des fleurs, ils voient des patrons, des couleurs que l'humain ne voit pas. C'est ça. Donc, quand même intéressant. Très fascinant. Ça change, ça modifierait la réalité telle qu'on la connaît. On aurait une toute autre réalité. Voilà. On pouvait voir les infrarouges. Hein? Ça changerait bien des choses. Mais bon, on va revenir à nos feuilles. On va revenir à l'autre. Les infrarouges. Donc, bon, on disait que la chlorophylle absorbe la lumière rouge et bleue du soleil, puis que la lumière réfléchie, alors qu'il est moins rouge et moins bleue, va paraître verte à l'œil humain. Les molécules de chlorophylle sont grosses, sont insolubles dans la solution aqueuse qui remplit les cellules végétales. Elles sont fixées, en fait, aux membranes des chloroplastes, qui sont des petits disques là, à l'intérieur des cellules. C'est là que se produit la photosynthèse. Donc, la photosynthèse, bon, je me rappelle aussi mes notions, c'est un processus biochimique qui permet aux plantes de produire l'oxygène et qui... fabrique de l'énergie, des hydrates de carbone. C'est ça. Les plantes, c'est des organismes autotrophes, autrement dit, produisent leur propre nourriture. Pour ça, ben, ils ont besoin de soleil, de dioxyde de carbone, le CO2, d'eau et de sels minéraux. Donc, le processus de la photosynthèse se déroule en trois étapes. D'abord, on sait que la chlorophylle est le principal pigment qui permet d'absorber la lumière. À ce moment-là, bon, c'est l'étape photochimique. C'est vraiment les capteurs là, qui veulent vraiment capter les rayons du soleil. Exact, capte l'énergie lumineuse. Une fois cette énergie absorbée et fixée au chloroplaste, bon, elle va être transformée en énergie chimique cellulaire. C'est l'étape énergétique. Mais enfin, ben, cette énergie chimique-là va être utilisée pour assimiler le CO2 et le transformer finalement sous forme de sucre et libérer l'oxygène. C'est l'étape biochimique. Alors, les sucres produits par la photosynthèse vont circuler à partir des feuilles dans les autres parties de l'arbre. Puis là, on va utiliser une partie de l'énergie chimique pour croître, pour produire ses fleurs et ses graines, et va emmagasiner le reste dans ses racines. Sauf que la chlorophylle n'est pas un composé qui est très stable. Autrement dit, la lumière du soleil, mais aussi le froid, finissent par la décomposer. Ce qui fait que, bon, mais pour maintenir la quantité nécessaire de chlorophylle dans ses feuilles, mais la plante doit continuellement produire de nouvelles molécules de chlorophylle. Dans les climats tropicaux, là où les températures sont plus ou moins constantes, assez toujours stable, chaudes, hein? Puis où les jours ont pratiquement toujours la même durée, oui, à l'année longue, mais la production se fait à l'année, puis les arbres ne perdent pas leurs feuilles. Oui. Encore des exceptions, mais généralement, ces arbres... Généralement, on ne voit pas de forêt tropicale avec aucune feuille. La perte des feuilles est naturelle. Tôt ou tard, les feuilles ont une durée de vie, finissent par tomber, mais c'est pas saisonnier. C'est pas saisonnier, tout le monde en même temps. C'est ça. Puis, donc, c'est pas... Quand les feuilles tombent dans les milieux tropicaux, c'est pas à cause que la feuille n'est plus capable de produire la chlorophylle. Elle est juste vieille. C'est ça. Donc, ici, par contre, à l'opposé des tropiques, les jours raccourcissent, les températures rafraîchissent, donc c'est ce qui cause des changements dans les arbres? C'est ça. Donc, il s'agit en fait d'une adaptation de l'arbre pour survivre au froid hivernal. L'arbre va réduire son activité au minimum pour passer l'hiver. Puis les feuilles qui ont des tissus tendres ne sont pas adaptées pour passer l'hiver. Ça coûterait beaucoup trop cher à l'arbre en énergie pour arriver à maintenir leurs feuilles en vie durant tout l'hiver. Il y a des plantes qui arrivent, comme les conifères, mm-hmm, puis les plantes à feuilles persistantes comme le rhododendron ou le thé du Labrador, mais ces feuilles-là sont adaptées. On va remarquer qu'elles sont souvent cireuses ou encore recouvertes de duvet. Et pas très grosses habituellement. Habituellement. Donc, pas gros comme une feuille d'érable. C'est ça. Mais ils ont vraiment une adaptation spécifique qui leur permet. Puis souvent, ils vont être assez bas au niveau du sol. La neige va aider beaucoup à maintenir. C'est ça. Sauf que, bon, les arbres caduques, eux autres, les feuilles qui tombent, doivent eux autres se départir de leurs feuilles pour survivre, pour aider à survivre. Mm-hmm. Donc, à mesure que l'été avance, la baisse de la lumière va provoquer une réaction biochimique chez l'arbre qui va produire une hormone qu'on appelle l'éthylène. Puis ça va, finalement, l'arbre va fabriquer une membrane de liège entre la branche et le pétiole de la feuille pour isoler la feuille du reste de l'arbre puis protéger les canaux contre le gel. D'accord, pour pas que la sève aille se promener dans les feuilles. Pour que ça l'arrête. Ouais, okay. Pour arrêter la circulation, pour fermer la circulation, pour justement dire à la feuille, bon, mais c'est le temps que ta job est finie, puis... c'est ça. Donc, à ce moment-là, ben, la circulation des éléments nutritifs va être progressivement bloquée, ça se fait pas d'un coup sec, puis la production de chlorophylle va diminuer, puis la couleur verte des feuilles va s'estomper. Ah, d'accord. C'est ça. La membrane de liège, qui est à ce moment-là entre la branche et la feuille, va empêcher aussi la circulation du sucre à partir de la feuille. Donc, dans certains arbres, au moment, parce qu'il faut dire que ça bloque, mais il y a quand même une certaine production de sucre qui continue. Donc, la concentration en sucre va augmenter dans la feuille. Puis ça, ben, le sucre, lui, va réagir pour former ce qu'on appelle des anthocyanines. Ça, c'est des pigments naturels de la feuille. Et on en trouve aussi dans les pétales, dans certains fruits. Ce pigment-là, lui, est soluble dans l'eau, contrairement à la chlorophylle, donc, comme je disais tantôt, qui est fixée aux membranes cellulaires. Bon, c'est le pH de la sève qui va, dans laquelle le pigment belle, se là, trouve, c'est ça, qui va déterminer la coloration de la feuille. Quand la sève est acide, alors la couleur va être rouge brillante. Puis quand la sève est plus basique, ça va donner une couleur plus pourpre. Fait donc, les variations dans les rouges, là, c'est dû à l'acidité de la sève. C'est peu de gens savent ça. Je pense que beaucoup de gens vont en apprendre ce soir à ce sujet-là. Donc, un érable, souvent, c'est rouge très brillant. Un rouge vif. On peut penser que la sève est assez acide. C'est ça, exactement. Alors qu'un chêne, certains chênes, même certains érables aussi, ont une couleur beaucoup plus pourpre. Oui. Mais là, on peut penser que la sève est plus basique. C'est ça. Donc, justement, les érables rouges, le chêne rouge, le fusain ailé, qui est un arbuste, qui est un rouge absolument incroyable, très, très, très, très vif, clair. Le sumac vinaigrier aussi, ça, c'est des rouges très pétants. Ça, c'est des sèves acides. Donc, c'est ça. Eux autres, ils produisent des anthocyanines en abondance. Puis, bon, les rouges et les pourpres sont les plus brillants dans le paysage automnal. Sauf que le fait de rougir n'est pas unique aux feuilles à l'automne. Les anthocyanines vont donner leur couleur aussi aux fruits rouges. C'est ça. Puis cette coloration nécessite aussi l'interaction avec la lumière. C'est pourquoi on remarque souvent que les pommes rouges vont être rouges d'un bord, vertes de l'autre. C'est vrai? C'est le même pigment. Je suis capable de te dire, bon, cette facette est face au soleil, cette facette est face au soleil. C'est vrai, c'est très intéressant. Donc, est-ce que les anthocyanes, les anthocyanines ont une fonction précise pour les plantes? Pourquoi ces plantes produisent ces pigments? C'est ça, à part la couleur, à part le fait que ça représente, on est capable de dire qu'une telle feuille a un certain taux de sucre dans sa feuille. Bon, on croit que les anthocyanes auront un rôle protecteur pour la plante, notamment en absorbant les ultraviolets, vont agir comme un bouclier pour protéger l'ADN de la plante, mm-hmm. et les protéines cellulaires aussi. C'est un genre de rôle de protection. Un écran solaire, un peu. Un genre d'écran solaire, c'est ça. Puis, ils ont des propriétés antioxydantes, en fait, qui sont aujourd'hui bien connues chez les humains. On l'a récupéré pour notre bénéfice. On les utilise, mettons, notamment dans contre le vieillissement cellulaire, puis pour améliorer l'élasticité de la densité de la peau dans les crèmes. Donc, on recommande souvent de manger des fruits rouges. C'est vrai, hein? C'est ça. C'est tellement bon. Et d'utiliser des crèmes qui sont enrichies aux antioxydants, les anthocyanines. Donc, la chlorophylle et l'anthocyane sont des pigments présents dans la feuille. Mm-hmm. La chlorophylle correspond à la couleur verte. Mm-hmm. L'anthocyane est responsable du rouge, mais est-ce qu'il y a d'autres pigments? Il y en a juste deux ou il y en a d'autres? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. La carotène, qui est le pigment qui absorbe la lumière bleu-vert et la lumière bleue, ce qui fait que la lumière réfléchie va paraître jaune. C'est ça. Lorsque la carotène et la chlorophylle sont présentes dans la même feuille, la feuille va paraître encore verte parce que la lumière absorbée par la carotène va être transférée à la chlorophylle. Ah, sauf d'accord. que ce vert-là va être plus brillant, plus jaune, justement. Okay, un vert c'est plus vif. Hein. C'est, okay. Puis la carotène est plus stable. Ce qui fait que la coloration jaune va demeurer même après la destruction de la chlorophylle. C'est le cas des bouleaux et des peupliers. C'est vrai, on voit des feuilles jaunes hein, qui c'est restent ça. Très, très jaunes. Les autres sont riches en carotène. D'accord. Voilà. Certaines années, j'ai l'impression que les couleurs sont plus vives que d'autres. Est-ce que c'est une impression ou il y a vraiment des automnes plus colorés? Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Non, je suis pas raison. La variété puis l'intensité des couleurs automnales sont grandement influencées par la température. Bon, les basses températures vont détruire la chlorophylle. C'est pas juste le fait d'avoir moins de lumière. Non, la basse température va détruire la chlorophylle. Donc, quand la température descend sous le point de congélation, la formation des anthocyanines est favorisée, puis encore plus quand le soleil brille, ce qui contribue aussi à détruire la chlorophylle. Okay. Donc, on voit, c'est inversement proportionnel. Oui, t'sais? Oui, oui. C'est ça. Donc, un temps sec va faire augmenter la concentration de sucre dans la sève. Donc, il va y avoir encore plus d'anthocyanines, ça va être encore plus rouge. Et si les couleurs automnales les plus flamboyantes, on va les remarquer, vont se manifester par des journées d'automne sèches et ensoleillées quand elles sont suivies de nuits fraîches et sèches, donc, ce qui n'est pas le cas. C'est pas aujourd'hui, ni en fin de semaine, selon non, les prévisions météorologiques, malheureusement. On s'enligne pour un automne plutôt terne. On se fait parce qu'on a des belles nuits fraîches exact. Et des belles journées ensoleillées. Donc, pas trop de vent, s'il vous plaît, parce que la membrane de liège fait en sorte que la feuille se décolle. Oui, alors ça serait le fun qu'on ait quelques jours pour en profiter. Oui, donc, bien, d'accord. Merci beaucoup, Geneviève, pour ces informations qui expliquent un phénomène que l'on observe avec joie, plus ou moins, ces jours-ci. Merci.